Parmi la quinzaine de poèmes de Pierre de Ronsard que je vais vous proposer maintenant, voici d'abord sept poèmes extraits des Odes parus en 1550.